السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دونك on continue le livre de Cheikh Fawzan حفظه الله تعالى الملخص في شرح كتاب التوحيد. Et on est arrivé, c'est le 22e cours, on est arrivé au chapitre باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. Donc l'auteur qui est Cheikh l'Islam, Mohamed bin Al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il dit, chapitre sur ce qui était rapporté, que la raison de la mécréance des fils d'Adam et la raison pour laquelle ils ont délaissé leur religion est l'exagération envers les personnes vertueuses. Donc l'auteur, Cheikh l'Islam, Mohamed bin Al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il cite une preuve du Coran, il dit, « وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ » من surat al-Nisa. Et la parole d'Allah le Très-Haut dans la traduction du sens est « Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. » Et c'est surat Nisa, verset 171. Là-dessus, on a l'explication du très savant Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Salih ibn Fawzan, ibn Abdullah Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, il dit « Munasabatul bab li kitab al-tawhid » Le rapport entre le chapitre qu'on va étudier, que j'ai cité, et le livre de l'unicité. Comme je l'explique à chaque fois, on a un livre qui est le livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, qui est écrit par Cheikh l'Islam, Mohamed ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala, qui est composé de chapitres. Et donc, le bon enseignement de Cheikh Fawzan, c'est de te montrer, de t'expliquer comment les chapitres s'articulent les uns aux autres par rapport à ce livre qui est, ou dans ce livre qui est Kitab al-Tawhid. Et donc, à chaque chapitre, il t'explique le caractère opportun et le rapport entre ce chapitre et le livre dont il fait partie. Et il dit, أنا المصنف رحمه الله لما بين بعض ما يفعله عباد القبور مع الأموات من الشرك المضاد للتوحيد أراد في هذا الباب أن يبين السبب في ذلك ليحضر أو ليحضر ويجتنب وهو الغلو في الصالحين. Le rapport entre le chapitre et le livre de l'unicité est que l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, comme il a montré certaines choses que commettent les adorateurs de tombes en termes d'association à Allah qui s'opposent à l'unicité, il a voulu expliquer dans ce chapitre la raison à cela, afin que l'on soit sur nos gardes quant à cela, et qu'on s'en écarte. Et c'est l'exagération envers les vertueux. Michel Fawzan, comme à son habitude, il fait une explication des termes les uns après les autres. Ça ne fonctionne pas. Mais... C'est pas à moi de... Donc Michel Fawzan... Je crois qu'ils envoient le son que de l'autre côté, en fait. En fait, c'est comme les gens, c'est fait pour les... Tu peux j'explique ? Oui, il y a cours maintenant. Les termes de Cheikh Fawzan qu'il explique à chaque fois, ici, c'est « ma ja'a ay min al-adilla ». « Ma ja'a », ce qui a été rapporté, c'est-à-dire en termes de preuves. Parce que le chapitre, il dit « ma ja'a anna sababa kufri bani adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghulu fi al-salihin ». Maja à ce qui a été rapporté, c'est-à-dire en termes de preuves. Ay min al-adilla. Tarkihim bil-jarri atfan ala al-mudaf ilayh kufr. Tarkihim leur délaissement. Ici, il explique une règle de grammaire. Il dit, il fait l'i'rab le Cheikh Fawzan de cette partie-là. Il dit, tarkihim, parce que le chapitre dit, Maja à ana sababa kufri. Bani Adam wa tarkihim. Dinahum huwa al-ghulu fi al-salihin. Le tarkihim ici, leur délaissement. C'est un nom qui est au génitif, al-jar, c'est-à-dire qu'il est majrour. Pourquoi il est majrour? Car il est coordonné à la fixée, au mudaf ilayhi. Ou al-mu'atouf ala majrour, majrour. Comme c'est connu dans l'i'rab, dans la langue arabe, dans le nahou. C'est-à-dire que ce qui est coordonné à ce qui est majrour, il est majrour. C'est pour ça qu'il a dit tarkihim, il n'a pas dit tarkuhum. Et donc ici, tarkihim, il a la kasra, si vous voulez, sous le kaf, pour dire de manière plus facilement. Pourquoi? Parce qu'il est coordonné à kufri, qui est aussi une kasra sur la dernière lettre qu'il aura. Al-ghulu, huwa mujawazatul haddi, donc ça c'est important, c'est une définition ici. Mujawazatul haddi, wal-ifratu fi ta'zim bil-qawli wal-i'tiqad. Wa ta'addi ma amara Allah ta'ala bih. Al-ghulu, l'exagération, c'est de dépasser les limites et l'exagération dans l'exaltation en parole et en croyance. Et de dépasser les limites de ce qu'Allah le Très-Haut a ordonné. Fi salihin, من الأنبياء والأولياء وغيرهم. Envers les vertueux, les prophètes les awliya et autres. On a déjà dit que l'awliya, c'est le pluriel de wali. Et Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il expliquait le wali en disant que c'est kullu mu'minin taqi, tout croyant pieux. Cette définition, vous pouvez la retrouver notamment dans le livre de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah qui s'appelle Al-Farqu bayna awliya'i shaytani wa awliya'i rahman. La différence entre les awliya, les alliés de Satan, et les alliés du Rahman, du très miséricordieux. المعنى الإجمالي للآية للسن جنرال دو فيرسي ينهى الله اليهود والنصارى عن تعدي ما حدد الله لهم بأن لا يرفع المخلوق فوق منزلته التي أنزله الله وينزله المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. Maintenant, Cheikh, j'ai pas terminé les autres mots. On est arrivé à, avant ça, à Ahlul Kitab. Ahlul Kitab, ce sont les juifs et les chrétiens, évidemment. Et la tarlou fi dinikum, la tata'addu ma haddadallahu lakum, fa ghala al-nasara fi al-masihi wa ghala al-yahudu fi uzair. Donc, la dernière partie qu'il explique sur le Fouzen en termes de termes ici, il dit, la tarlou fi dinikum, n'exagérez pas dans votre religion, c'est-à-dire, ne dépassez pas les limites qu'Allah vous a données. Les chrétiens ont exagéré en la personne de Isa, et les juifs ont exagéré en la personne de Uzair. Qu'il explique, comme on a dit, le sens général du verset de Surat Nisa. Et il dit, Hafidahullah Ta'ala, que ce verset, c'est qu'Allah interdit aux juifs et aux chrétiens de dépasser les limites qu'Allah leur a données. Et c'est ne pas élever une créature au-dessus de son statut qu'Allah lui a donné. Et ne pas l'élever à un statut qui ne convient qu'Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Munasabatul ayat lilbab. On a dit que Cheikh l'Islam Muhammad bin al-Wahhab, rahimahullah, il a rapporté un nouveau chapitre, on l'a cité, il a cité un verset comme preuve dans ce chapitre. Maintenant, il convient de savoir le rapport entre le verset et le chapitre. Et il explique Cheikh Fawzan cela en disant, c'est qu'il y a dans ce verset l'interdiction absolue d'exagérer. Et cela englobe donc l'exagération envers les vertueux. Et même si cela s'adresse aux gens du livre, l'interdiction est générale pour toute la communauté afin de les mettre en garde de ne pas commettre envers leurs prophètes et leurs vertueux ce que les chrétiens ont commis envers Isa et les juifs envers Uzair. Ce que l'on tire comme bénéfice de ce verset, ما يستفاد من الآية أولا تحريم الغلو في الأشخاص والأعمال وغير ذلك. Le premier bénéfice qu'on tire, c'est l'interdiction d'exagérer envers les personnes et dans les actes et autres. Deuxième bénéfice, الرد على اليهود والنصارى ومن شابههم في غلوهم في الأشخاص والأعمال وغير ذلك. C'est la réfutation envers les chrétiens et les juifs et ceux qui leur sont semblables dans l'exagération envers les personnes et dans les actes et autres. ثالثا الحث على لزوم الاعتدال في الدين وجميع الأمور بين جانبي الإفراط والتفريط. Le troisième bénéfice, le fa'idatu thalitha, c'est l'incitation à se tenir au juste milieu, à la modération dans toutes les affaires entre l'exagération et le laxisme. Quatrième bénéfice et dernier pour ce verset, at-tahdhiru min ash-shirki wa asbabihi wa wasa'ilihi. C'est la mise en garde contre l'association à Allah et ses causes et ses moyens. Donc, contenu dans le matn, Cheikh l'Islam, le Musannif rahimahullah, il dit في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا من سورة نوح. L'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, et dans l'authentique d'après Ibn Abbas, qu'Allah les agrée tous les deux, qui rapporte au sujet de la parole d'Allah dans la traduction du sens est, et ils ont dit, n'abandonnez jamais vos divinités, et n'abandonnez jamais Wad, Suwa', Yaghouth, Ya'ouq et Nasr. Surat Nuh, verset 23. Il dit, Ibn Abbas, radiallahu anhuma, ce sont des noms d'hommes vertueux. Qala hadi asma'u rijalin salihin min qawmi Nuh, falamma halaku. ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. Il dit Ibn Abbas radiallahu anhuma, ce sont des noms d'hommes vertueux du peuple de Nuh. Lorsqu'ils sont morts, Satan a inspiré à leur peuple d'ériger des statues à leur effigie, à l'endroit où ils s'asseyaient, et de leur donner leur nom. Ils l'ont fait, mais elles ne furent pas initialement adorées jusqu'à ce que ceux qui les avaient érigées meurent et que la science soit oubliée. Et alors à ce moment, elles furent adorées. Et c'est rapporté par le Bukhari, numéro 4920. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, plus d'un parmi les pieux prédécesseurs ont dit, lorsqu'ils moururent, ils s'arrêtèrent auprès de leur tombe, puis leur ont érigé des idoles à leur effigie, puis le temps passa, et ensuite ils les adorèrent. Maintenant, l'explication du très savant Cheikh al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, par rapport à ce passage du livre, et il dit, Tarjamat ibn al-Qayyimi, هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي تلميذ الشيخ الإسلام تيمية مات سنة 51 بعد 700 من الهجرة النبوية رحمه الله تعالى وله مؤلفات مفيدة مشهورة. La biographie de l'imam, évidemment très succincte ici, de l'imam al-Qayyim رحمه الله, c'est l'imam, le très savant, Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub Al-Zara'i al-Dimashqi, par rapport à Dimashq, Damas. L'élève de Cheikh al-Islam de Taymiyyah, décédé en l'an 751 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde, et il a de nombreux ouvrages célèbres et bénéfiques. Puis, comme à son habitude, Cheikh al-Fawzan, il explique les termes qui sont cités ici. Il dit, « La tadarunna alihatakum, la tatruku ibadataha. La tadarunna alihatakum, n'abandonnez jamais vos divinités. » C'est-à-dire, ne délaissez pas leur adoration. وَلَا تَدَرُنَّ وَدَّانَ jusqu'à la fin du verset. أي وَلَا تَتْرُكُوا هَؤُلَاءِ خُصُوصًا وَلَا تَدَرُنَّ وَدَّانَ jusqu'à la fin du verset, c'est-à-dire, ne délaissez pas celles-ci en particulier. C'est-à-dire, les divinités qui sont citées en particulier. فَلَمَّ هَلَكُوا أي مَاتَ أُولَئِكَ الصَّالِحُونَ وَحَزَنَ عَلِيهِمْ قَوْمُهُمْ حَزَنًا شَدِيدًا. فَلَمَّ هَلَكُوا lorsqu'ils moururent, c'est-à-dire lorsque ces vertueux moururent et que leur peuple fut triste à leur égard d'une immense tristesse, d'une grande tristesse. أَوْحَ الشَّيْطَانُ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ أَيْ وَسْوَسَ وَأَلْقَ إِلَيْهِمْ أَوْحَ الشَّيْطَانُ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ Satan inspira à leur peuple, c'est-à-dire qu'il leur murmura وَسْوَسَ لَهُمْ وَأَلْقَ إِلَيْهِمْ Il leur chuchota et leur inspira. انصبوا بكسر الصاد انصيبوا avec une kasra sous le sad, ansaba, c'est-à-dire des idoles à leur effigie, c'est-à-dire de leur ériger des idoles à leur effigie. أي أصناما مصورة على صورهم. حتى إذا هلك أولئك أي الذين نصبوها ليتذكروا برؤيتها أفعال أصحابها فينشطوا على العبادة. حتى إذا هلك أولئك jusqu'à ce que ceux-là meurent, c'est-à-dire que ceux qui les ont érigés les idoles afin qu'ils se rappellent en les regardant de leurs actions. Et que donc eux-mêmes soient motivés à l'adoration. C'est-à-dire qu'au début, ce n'était pas pour les adorer, mais c'est pour se motiver soi-même à l'adoration en se rappelant ces gens qui étaient pieux et vertueux. Vous voyez ici comment Shaitan, de manière graduelle, il a amené au shirk. Les premières générations, on leur a dit, non, ce n'est pas pour les adorer, c'est juste pour vous rappeler. Puis quand son succès est mort et que la science fut oubliée, il a dit aux autres, non, vos ancêtres, ils les ont fait pour que vous les adoriez. Ici, ونسي العلم أي زالت المعرفة وغلب الجهال الذين لا يميزون بين الشرك والتوحيد. ونسي العلم et que la science soit oubliée, c'est-à-dire que la connaissance disparut et que les ignorants se firent les plus nombreux, ceux qui ne distinguent pas entre l'association Allah et l'unicité. عبدت أي تلك الأصنام لما قال لهم الشيطان إن آباءكم كانوا يعبدونها. Obidat, elles furent adorées, c'est-à-dire ces idoles, lorsque Satan leur dit, vos aïeux les adoraient. Al-ma'na al-ijmali lil-athar, le sens général du athar, c'est-à-dire de la parole d'Ibn Abbas qui explique le verset de Surat Nuh. Yufassir Ibn Abbas, radiallahu anhuma, hadil ayat al-karimata bi anna hadil alihata, allati. Ici. C'est une faute ici dans le. C'est une faute ici dans Matba'i parce que Ism Inna c'est Mansoub. Bi'anna afika barakallah. Inna hadi al-alihata allati dakaraha Allah anna qawma Nuhin tawasaw bil-istimrari ala ibadatiha ba'da ma nahahum nabiyuhum Nuhun alayhi salam an shirki billah أنها في أصل الأسماء في الأصل أسماء رجال أسماء رجال صالحين منهم غلوا فيهم بالتسويل الشيطان لهم حتى نصبوا صورهم فآل الأمر بهذه الصور إلى أن صارت أصناما تعبد من دون الله. كل السنس جنرال دو أثر ابن عباس رضي الله عنهما. Ibn Abbas, qu'Allah les agrée tous les deux, explique ce noble verset en disant que ces divinités qu'Allah a citées, que le peuple de Noé, et de Noé, s'enjoignait les uns les autres, a continué de les adorer, alors que leur prophète Noé, Noé, alayhi salam, il leur interdisait l'association à Allah, et qu'à la base, ce sont des noms d'hommes vertueux de leur peuple, envers lesquels ils ont exagéré. Donc vous voyez le caractère opportun entre ce athar qui explique le verset, et le verset par rapport au chapitre que Cheikh l'Islam Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah, il a mis dans son kitab al-Tawhid. Donc on répète ça ici. Et qu'à la base, ce sont des noms d'hommes vertueux de leur peuple envers lesquels ils ont exagéré. Car Satan les a séduits à tel point qu'ils leur ont érigé des idoles à leur effigie. Et donc l'affaire est devenue telle, ensuite avec ses représentations, qu'elles sont devenues des idoles adorées en dehors d'Allah. Et ce qu'Ibn Qayyim a rapporté est le sens même de ce qu'Al-Bukhari a dit. Sauf qu'il dit qu'ils s'arrêtaient auprès de leur tombe. C'est-à-dire qu'Ibn Qayyim l'a rajouté ça. Il expliquait ça en plus. Ibn Qayyim, rahimahullah, il a rajouté, il a dit qu'ils s'arrêtaient auprès de leur tombe avant de les avoir représentés. Et donc il ajoute à ce qui a précédé le fait qu'ils s'arrêtaient, faisaient halte et restaient auprès des tombes. Ce qu'on appelle l'ukouf. Ya'koufoun, inda kouburihim. Et ce mot-là, on l'a déjà utilisé dans quoi? Quand on a parlé de. اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات سدرة يعكفون عندها يعكفون. On avait déjà défini ce terme. Et ça, on traduit ici en disant qu'ils s'arrêtaient, ils faisaient halte et restaient auprès des tombes et que cela est aussi une raison de leur adoration d'elles. Maintenant, Cheikh l'explique, il dit مناسبة الأثر للباب. Quel est le rapport entre ce athar d'Ibn Abbas رضي الله عنهما et le chapitre qui concerne le fait que la cause de l'association Allah Azza wa Jal et du délaissement de la religion, de la mécréance, eh bien c'est l'exagération envers les prophètes et les vertueux, etc. Eh bien, il dit أنه يدل أي الأثر على أن الغلو في الصالحين سبب لعبادته من دون الله. Le rapport entre le Athar et le chapitre est qu'il indique que l'exagération envers les vertueux est une cause de leur adoration en dehors d'Allah. ما يستفاد من الأثر. Qu'est-ce que l'on tire comme bénéfice de ce athar? Awalan, an al-ghulu fi al-salihin sabab li'ibadati min dunillahi wa tarki ad-din bil-kulliyah. Le premier bénéfice qu'on tire de ce athar Ibn Abbas radhiyallahu anhu rapporté par al-Bukhari rahimahullah ta'ala, c'est l'exagération envers les vertueux est une cause de leur adoration en dehors d'Allah et du délaissement de la religion complètement dans son entièreté. الفائدة الثانية التحذير من التصوير وتعليق الصور لا سيما صور العظماء. La mise en garde contre la représentation en image et l'accrochage de ces images, surtout les images des personnes importantes. ثالثا التحذير من مكر الشيطان وعرضه الباطل في سورة الحق. La mise en garde contre la perfidie de Satan et sa manière de présenter le faux sous le jour de la vérité. رابعا التحذير من البدع والمحدثات ولو حسن قصد فاعلها يرحمك الله. La quatrième bénéfice, c'est la mise en garde contre les innovations religieuses et les choses inventées dans la religion, et c'est même si l'attention de celui qui les commet est bonne. خامسا ان هذه وسائل الى الشرك فيجب الحذر منها. Cinquièmement, ce sont des voies qui amènent à l'association à Allah, il faut donc y prendre garde. سادسا معرفة قدر وجود العلم ومضرة فقده. La connaissance du statut de la présence de la science et le mal de son absence. Septièmement, أن سبب فقد العلم هو موت العلماء. La cause de l'absence de la science est la mort des savants. ثامنا التحذير من التقليد وأنه قد يؤول بأهله إلى المروق من الإسلام. عيادا بالله من ذلك. La mise en garde contre l'imitation aveugle, et il se peut qu'elle amène la personne qui s'y adonne à sortir de l'islam. L'auteur, Al-Musannif, rahimahullah, Cheikh al-Islam, Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, il continue en disant, وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, et d'après Omar, qu'Allah l'agré, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne dépassez pas les limites dans les éloges à mon égard, comme les chrétiens ont exagéré en éloge à l'égard du fils de Marie. Mais dites plutôt, le serviteur d'Allah et son messager, rapporté par les deux, c'est-à-dire rapporté par le Bukhari et le Muslim. Ça, c'est la parole de l'auteur. Sinon, le hadith, il est rapporté par le Bukhari, numéro 3445, et le hadith ne se trouve pas dans l'authentique de Muslim, comme l'auteur l'a dit, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc le hadith, il est que dans le Bukhari. Cheikh al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, il explique ce passage en disant ترجمه عمر رضي الله عنه هو عمر بن الخطاب لنفيل القرشي العدوي امير المؤمنين وافضل الصحابه بعد الصديق استشهد في ذي الحجه سنه 23 هجريه. La biographie succincte de Omar Kalalagri, c'est Omar ibn al-Khattab ibn Nufail al-Qurashi al-Adawi, le commandeur des croyants et le meilleur des compagnons après al-Siddiq, le véridique, c'est-à-dire Abu Bakr. Al-Siddiq Kalalagri. Il est tombé à Omar en martyr au mois de Dhul Hijjah, de l'an 23 de l'Hijir. La tutruni al-Itra, mujawazatul haddi fil madh. Encore une définition très courte à apprendre et à mémoriser. Mujawazatul haddi fil madh. Wal kadhibu fi. La tutruni al-Itra, c'est de dépasser les limites dans l'éloge et mentir dans les éloges. كما أطرت النصارى ابن مريم أي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام حتى ادعوا فيه الألوهية. Ici vous avez ادعوا فيه الألوهية. كما أطرت النصارى ابن مريم, comme les chrétiens ont exagéré en éloge à l'égard du fils de Marie. C'est-à-dire, عيسى عليه السلام, c'est-à-dire, comme les chrétiens ont exagéré à l'égard de عيسى عليه السلام, à tel point qu'ils lui ont prétendu la divinité. فقولوا عبد الله ورسوله أي صفوني بذلك كما وصفني به ربي. فقولوا عبد الله ورسوله, mais dites plutôt le serviteur d'Allah et son messager, c'est-à-dire décrivez-moi comme mon Seigneur m'a décrit. معنى الحديث إجمالا يقول صلى الله عليه وسلم لا تمدحوني, je rappelle l'obligation de dire صلى الله عليه وسلم, لا تمدحوني فتغلو في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الألوهية إني لا أعد أن أكون عبدا لله ورسولا منه فصفوني بذلك ولا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. Le sens général du hadith, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne faites pas mes éloges et puis exagérez à mon égard comme les chrétiens ont exagéré à l'égard de Isa, alayhi salam, et lui ont prétendu la divinité. Je ne suis pas plus qu'un serviteur d'Allah et un messager envoyé par lui. Et donc, décrivez-moi comme tel et ne m'élevez pas au-dessus du statut qu'Allah m'a donné. Maintenant, le rapport entre le hadith et le chapitre. Munasabatul hadith ilil bab. Anna al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam naha anil ghuluwi fi haqqih bi'itaihi shi'an min khasa'is al-rububiyya mimma yadullu ala tahrim al-ghulu. وأنه يفضي إلى الشرك كما أفضى بالنصارى في حق عيسى. Le rapport entre le hadith et le chapitre, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam interdit l'exagération à son sujet en lui donnant l'une des caractéristiques de seigneurie, ce qui indique le caractère illicite de l'exagération et qu'elle amène à l'association à Allah, comme cela a été le cas pour les chrétiens à l'égard de Isa alayhi salam. Et on termine avec les bénéfices de ce hadith. Ma yustafadu min al-hadith. Ce que l'on tire comme bénéfice du hadith, on va en citer quatre que Cheikh Fawzan a cité, hafidahullah ta'ala. Tahrim mujawazat al-haddi fi madh an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ikhrajihi min da'irat al-ubudiyya li'anna dhalika huwa ash-shirk billah. Premièrement, le caractère illicite de dépasser les limites en éloge à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le faire sortir du cercle de servitude. C'est ce qu'on appelle le ubudiyya. car cela est l'association à Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ici le fait de le faire sortir du cercle de servitude. C'est-à-dire exagérer en éloge, en lui donnant des caractéristiques des seigneuries, et que donc il ne soit plus considéré comme un serviteur d'Allah et son messager. D'accord? Le prophète Sassim l'a dit, Abdullahi wa Rasulu. Il s'est décrit lui-même en disant, décrivez-moi de telle manière, et c'est la manière par laquelle Allah Azul m'a décrit, comme étant son serviteur. Abdan lillahi wa Rasulan minha. Et un messager venant de lui. Donc ce qu'on appelle la servitude, l'uboudiya. D'accord? Maintenant, il y a une discussion à avoir sur l'uboudiya, une uboudiya amma, une uboudiya khassa, une servitude générale dans laquelle tous les ibad, même les non-musulmans, les mécréants, etc., rentrent, et la uboudiya khassa, qui sont les croyants, etc., c'est une autre discussion. Mais ici, le mot uboudiya, c'est à ça qui fait référence ici, le shirk. Et il dit d'ailleurs, min da'iratu l'uboudiya, du cercle de la servitude. Taniyan, sa diligence, shiddatu nushihi sallallahu alayhi wa sallam ummatih. Sa diligence dans ses conseils à sa communauté, sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, an al-ghuluwa fi s-salihin sababun lil-wuqu'i fi shirk. L'exagération envers les vertueux est une cause qui fait tomber dans l'association à Allah. Quatrièmement, at-tahdiru min at-tashabbuh bil-kuffar. La mise en garde contre le fait de ressembler aux mécréants. Avec cela, on a fini le cours d'aujourd'hui, en tout cas, pas le livre évidemment. C'était le 22e cours. Les livres, les cours précédents, pardon, ils sont sur le site. On a un peu tardé. Ils sont en audio et en PDF pour les frères qui n'ont pas assisté depuis le début ou simplement les frères qui veulent revoir. Et celui-ci sera dès que possible sur le site, Inch'Allah, en audio et en PDF aussi. Wa jazakumullahu khairan, wallahu alam, wa subhanakallahu hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.